Leçon 2, page 142-143. À Naples. Diplomate, grand voyageur et écrivain, Paul Morand, 1888-1976, a laissé avec Venise, remarquez le pluriel, un récit de voyage très original. À Naples, je devais retrouver la même ivresse physique et morale qu'à Caux. Ce fut au cours d'un déjeuner solitaire sous la treille, au-dessus de Saint-Elme. La rumeur du travail des hommes montait jusqu'à moi, qui les regardais faire. Il ne se passait rien, je n'espérais rien, je ne donnais rien. Je recevais tout. Des millions d'années m'avaient attendu pour m'offrir ce cadeau suprême, une matinée sous une treille. Aucune raison pour que cela ne continuât pas. Une tradition d'origine très lointaine assurait à toute chose, à moi-même, une place prédestinée. J'entrais dans la vie pour toucher mon dû. L'Italie se préparait depuis des siècles à ma visite. Paul Morand. Enfin, Tombouctou. En 1816, l'explorateur René Caillé s'embarque pour le Sénégal. Déguisé en marchand local, il parvient jusqu'à la ville mystérieuse de Tombouctou, au sud du Sahara. Interdite aux Européens, Tombouctou était alors considérée comme une ville très riche. Enfin, nous arrivâmes à Tombouctou, au moment où le soleil se couchait à l'horizon. Je voyais donc cette capitale du Soudan qui, depuis si longtemps, était le but de tous mes désirs. En entrant dans cette cité mystérieuse, objet des recherches des nations civilisées de l'Europe, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais éprouvé une sensation pareille, et ma joie était extrême. Revenu de mon enthousiasme, je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente. Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une toute autre idée. Elle n'offre, au premier aspect, qu'un amas de maisons en terre mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune, et de la plus grande nudité. Le ciel, à l'horizon, est d'un rouge pâle. Tout est triste dans la nature. Le plus grand silence y règne. On n'entend pas le chant d'un seul oiseau. Cependant, il y a un je ne sais quoi d'imposant à voir une si grande ville élevée au milieu des sables, et l'on admire les efforts qu'ont eu à faire ses fondateurs. René Caillé. L'Ouest. Dans son roman « L'or », l'écrivain d'origine suisse Blaise Sandrard raconte l'histoire d'un escroc de 51 ans qui, en 1834, s'enfuit à New York. Il est alors attiré par l'Ouest américain, territoire encore inexploré. L'Ouest, mot mystérieux. Qu'est-ce que l'Ouest? Voici la notion qu'il en a. De la vallée du Mississippi jusqu'au-delà des montagnes géantes, bien loin, bien loin, bien avant dans l'Ouest, s'étendent des territoires immenses, des terres fertiles à l'infini, des steppes arides à l'infini. La prairie, la patrie des innombrables tribus peaux-rouges et des grands troupeaux de bisons qui vont et viennent comme le flux de la mer. Mais après, mais derrière, il y a des récits d'Indiens qui parlent d'un pays enchanté, de villes d'or, de femmes qui n'ont qu'un sein. Même les trappeurs qui descendent du nord avec leur chargement de fourrure ont entendu parler sous leur haute latitude de ces pays merveilleux de l'Ouest, où, disent-ils, les fruits sont d'or et d'argent. L'Ouest, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui s'y rendent et qui n'en reviennent jamais? Ils sont tués par les peaux rouges. Mais celui qui passe outre, il meurt de soif. Mais celui qui traverse les déserts, il est arrêté par les montagnes. Mais celui qui franchit le col, où est-il? Qu'a-t-il vu? Pourquoi y en a-t-il tant parmi ceux qui passent chez moi, qui piquent directement au nord et qui, à peine dans la solitude, obliquent brusquement à l'Ouest? Blaise Sandrard.